7h39 minutes, on va parler dans quelques secondes à quelqu'un qui a accompagné Jean-François Moras, qui est l'étudiant de Québec qui a réussi à faire qui a obtenu un verdict de culpabilité contre Gabriel Nadeau-Dubois au sujet de son appel à la désobéissance civile faite à RDI. Il connaissait le dossier d'ailleurs maintenant là. D'ailleurs, juste en fin d'entrevue, j'aime ça juste savoir, ils sont à combien chez Moras au niveau du fonds de... Ce serait le fun de savoir, là, on pourrait le hier, on a eu une entrevue avec un monsieur qui s'appelle Marc-André Cyr. D'ailleurs, vous avez été plus de 500 à aller réécouter l'entrevue sur le podcast du FM93.com. Merci, bravo. Dites-le à vos amis, à votre famille. 500, c'est 37 000 $ pour M. Moras. Ça va moins vite que pour Nadeau. Hein? Je peux te dire que ça n'a pas été long que la CSN. En tout cas. Non, mais je trouve ça bien, moi, quand même. Non, c'est bien. C'est à coup de petits dons comparativement à eux qui ont des organisations. Mais c'est ça. Mais tu sais, la CSN a dit le dimanche qu'elle allait l'aider, puis le lundi matin, 8 heures plus tard, il y avait 90 000 $ dans le compte, tu sais. Là, la réalité est là, pareil. Je pense qu'il y a quand même un déséquilibre des forces. So, whatever, c'est pas important. On parlait à Marc-André Cyr. Marc-André Cyr, c'est un historien des mouvements sociaux. C'est un professeur chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal. C'est quelqu'un, donc, à l'UQAM, qui donnait une conférence à 10h30 sur le droit à la violence légitime. Vous essaierez ça avec la police ordinaire, vous. Essayez ça dans votre famille, la violence légitime. Vous essaierez ça avec vos amis, la violence légitime. Essayez ça au bar vendredi, de la violence légitime. Vous allez voir que vous allez ramasser avec une paire de bracelets argentés, ça sera pas trop long, tu sais. Mais ça a l'air que pour les étudiants et pour Marc-André Cyr, la violence légitime, ben justement, c'est légitime. Parce qu'ils sont brimés. Comprends-tu? On est une société de droits, mais on brime leurs droits. Puis de toute façon, contre les policiers pendant les manifestations, il n'y a rien là. C'est des syndiqués jusqu'aux oreilles. C'est des syndiqués jusqu'aux oreilles. C'est des suppôts de Satan. C'est des représentants du gouvernement. On a le droit de rentrer dedans. On a le droit de faire un paquet de choses. Première portion avec l'entrevue avec Marc-André Cyr hier. Je vous en fais réécouter des petits bouts, puis on va parler à notre invité dans quelques instants. Je lui demande juste d'être un petit peu patient. C'est parce que je voulais qu'il soit là en ondes tout de suite au téléphone pour qu'il entende ce que nous avons fait hier. Marc-André Cyr nous explique, hier, m'explique à moi, hier, en ondes, puis là, je suis tombé, là, je veux dire. Lui, là, tu sais, quand il trouve que ce que les étudiants ont fait, José, là, mais c'est pas si violent que ça. C'est excessivement choquant de nos jours d'entendre parler de violence. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes excessivement dépendants de l'État. L'État détient le monopole de la violence. Il est de plus en plus et plus que jamais tentaculaire. En toute forme de conflit est géré, médié par l'État de nos jours. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on élit un gouvernement. C'est pour ça qu'on va voter. C'est pour ça qu'on a voté le 4 septembre dernier. Puis on a fait les choix qui sont ceux qu'on représente maintenant. C'est pas plus compliqué que ça. C'est de même, ça marche. Si on n'a pas des règles comme celle-là, ça sera pas vivable, tu sais. Ça va être l'anarchie. Ça a l'air d'être ce qu'ils visent. D'ailleurs, il m'a même dit, gros de même, là, j'en revenais pas, que les gens ont le droit de se révolter de la façon dont ils l'ont fait. Ce que je vous dis, c'est que ça choque de dire que oui, le peuple, les gens ont le droit de se révolter. Justement, pour faire face à la violence systématique de l'État, pour agir comme une borne, pour agir comme un garde-fou, nous avons le droit de nous protéger contre l'arbitraire de l'État et contre l'arbitraire patronal aussi. Alors voilà, on a le droit de se protéger, on a le droit de se révolter, mais surtout de la manière dont ils l'ont fait. On peut pas se révolter de manière douce avec les méthodes, les codes, les règlements, les lois qui nous régissent. On peut se révolter. C'est vrai qu'il y a raison de dire on a le droit d'être révolté contre telle ou telle situation. Parce qu'il y a une façon, tu peux le dire mais en dénonçant verbalement. Ben oui, mais on fait changer les situations des fois par petits pas, hein, en utilisant les outils démocratiques, légaux, juridiques qui sont à notre disposition. Pas en cassant des vitrines, en lacérant la peau des chevaux de la police de montée de Montréal ou en tirant des sacs de billes en dessous des sabots. Pas en battant un policier de la Sûreté du Québec à Victoriaville. Ça a l'air que ça, là, quand les étudiants sont agressés, là, ben, ils ont le droit de se défendre puis réagir. Lorsque les étudiants sont agressés, littéralement, je parle d'agression et je pèse le mot, les policiers agressaient les étudiants sur la rue, ils sont en droit de se défendre. On a-tu deux visions, hein? C'est deux mondes complètement opposés une vision opposée de la façon dont les choses se sont déroulées. Quand les étudiants sortaient dans les rues, puis en plus, hier, il y a le culot de me dire, j'ai pas retenu cette portion-là dans les extraits que j'ai fait sortir, mais il y a le culot de me dire que c'est arrivé, généralement, les manifestations étudiantes, il n'y en avait pas de violence. Pardon? Chris, as-tu regardé la même TV que moi, toi? On a passé 8 mois à vous regarder vous faire gazer dans les rues de Montréal. Pourquoi vous faites gazer, vous pensez? Parce que vous tirez des briques, puis parce que vous rentrez dedans. Puis parce qu'il y avait des manifestations illégales. Illégales. Ils donnaient pas non plus leur trajet avant de partir, tel que demandé. Et c'est tellement simple. Ça, on finira pas là-dessus. C'est tellement simple. Mais violentes, les manifestations. Violente à quel égard, à quel endroit? À l'endroit des policiers. On demandera aux commerçants voir si c'est les policiers là, qui faisaient du grabuge ou c'était les étudiants. Mais c'est qui les commerçants? D'après vous, c'est qui cassait des vitrines? C'est les flics qui lançaient des briques dans les vitrines? Non. Qui avait les sacs cadeaux pleins de boules de billard? C'est pas les policiers. Pensez-vous que les policiers de Montréal... Ceux qui étaient masqués aussi dans les rues. Ben oui, là. Regarde, écoute, on t'sais. Alors, pour faire face à cette violence que M. Cyr a considérée comme étant de la violence systématique de l'État... Je vous rappelle que cette conférence-là a été donnée essentiellement, de façon peut-être plus ordonnée, hier, devant des étudiants de l'Université du Québec à Montréal. OK? Une institution publique totalement, presque entièrement financée par les impôts des Québécois et des Québécoises. Lui, il est allé dire ça du monde hier, là. Que la violence de l'État, là, ben, il a un droit à la résistance et qu'il se déclare lui-même professeur à l'UQAM comme étant quelqu'un de très radical. Pour faire face à la violence systématique de l'État, il existe, lorsque l'État ne travaille plus pour le bien commun, un droit à la résistance. Oui, je suis un radical. C'est clair? Alors, on a un radical dans une de nos universités, José, et cette personne-là prône ce genre de discours-là. Ben, c'est de la propagande. C'est comme s'il voulait justifier les actes qui étaient là et les justifier peut-être pour des actes à venir aussi auprès des jeunes. Parlant d'actes à venir, ce serait surprenant que ça arrive. Je suis rassuré dans une certaine mesure parce qu'avec l'aplavantrisme du gouvernement actuel devant les étudiants, il y a peu de chances qu'ils perdent quoi que ce soit de leurs acquis. Pire encore, à la limite, on pourrait même diminuer certaines charges à leur endroit pour favoriser supposément une augmentation du nombre d'étudiants dans les universités. Donc, il y a peu de chances qu'ils se retrouvent dans les rues puis qu'on ait un nouveau printemps érable, comme ils l'ont pompeusement appelé. Yvon Garneau est avocat et coroner. Monsieur Garneau a été celui qui, au début, José, a accompagné Jean-François Maurras dans son combat, d'une part, pour obtenir le droit d'assister à ses cours, et aussi qui a, je dirais, lancé le premier délibérations, en tout cas les opérations visant à poursuivre Gabriel Nadeau-Dubois devant les tribunaux pour outrage au tribunal. Je voulais savoir ce que lui pensait de ce qu'il entendait de la bouche de Marc-André Cyr. Monsieur Garneau, bonjour. Ben bonjour, Monsieur Gilbert. Ça va bien? Ça va très bien, merci infiniment. Bon. Hier, Monsieur Cyr a fait une série de déclarations ici à l'antenne du FM 93 qui, moi, me laisse à penser que c'est pire encore que ce que Gabriel Nadeau-Dubois a déclaré sur les ondes d'RDI. Mais je suis pas un juriste. Ouais. D'après vous, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Ben écoutez, sur le coup, là, c'est ça, je l'ai écouté, je l'ai réécouté aussi un petit peu. Il faut dire qu'il tire dans tous les sens, là. C'est tout à fait, écoutez, d'une part, je trouve ça tout à fait aberrant, arrogant et tout à fait ridicule. Et je suis certain que les étudiants de l'université qui l'ont entendu hier, il y en a certainement quelques-uns qui ont claqué la porte, si c'est pas tout le monde. Mais le réflexe que j'ai comme juriste, comme criminaliste, là, évidemment, je suis pas dans la peau du procureur de la Couronne qui pourrait avoir à réécouter cette bande et voir un peu qu'est-ce qu'il dit. Sur le coup, je suis pensé à aller au dictionnaire et chercher la définition du mot « sédition ». Okay, tantôt, José parlait de propagande, on parle peut-être de sédition. Quand on va à la définition de sédition, ben c'est pas compliqué, c'est une révolte concertée contre l'autorité publique. Okay. Puis si on va au code criminel, on en parle de la sédition. Alors, autour des articles 59, 60 et suivants... Ah, mais attendez un petit peu, juste, M. Garneau, on n'est pas juriste. Moi, en tout cas, moi, je suis pas juriste, là, je veux juste vous suivre tranquillement. Là. Ouais. Vous dites, en fait, que... À la limite, de façon assez grossière, présentement, on pourrait interpréter les paroles de M. Cyr puis tout de suite les faire cadrer dans une petite case du code criminel. Peut-être, là, je dis bien que peut-être. Oui, il faudrait faire le test, mais... C'est bien évident qu'on n'est pas assis ce matin dans une salle de conférence avec, avec d'autres juristes. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut écouter, réécouter, un peu comme on a fait dans la bande à... dans la bande audio de RDI, quand Gabriel Nadeau-Dubois parlait. Écoutez, moi, je l'ai écouté peut-être 50 fois avant de consulter aussi d'autres juristes. Après ça, de conseiller Maxime Roy, l'avocat qui a plaidé la cause. Là. Bon, alors, ce matin, on en parle, OK? On en parle ce matin avec un café, là, puis on n'a pas de titre dans la main. Mais je vais vous référer quand on jase, là, mettons. On jase, mais c'est sûr qu'on jase juridique, là, parce que la question m'est posée comme juriste, là. Moi, je pense qu'il est proche de ce qu'on appelle, dans le code du libelle séditieux, ça, ce sont des écrits, là, ou encore, je vais vous lire ici un petit extrait de trois lignes, là. C'est rendu qu'il faut remonter jusqu'en 1951 où la Cour suprême s'était prononcée sur ce genre de propos-là tenu par des huluberlus comme ça. Là. C'est bon. la décision Boucher en 51 que à peu près tous les avocats qui m'entendent vont reconnaître. Là. Okay. On avait dit ici, dans la plupart des cas, afin de démontrer une intention séditieuse, il doit y avoir une preuve d'une intention d'inciter à la violence ou au désordre public ou à commettre des gestes illégaux à l'encontre de sa majesté ou d'une institution de l'État. Mais cependant, attention, la Cour suprême a dit ceci, a dit, il ne suffit pas de démontrer une intention de susciter de l'hostilité et de la malveillance envers certaines personnes. Fait que voyez-vous comment c'est flou un peu? Donc, de dire de la bouche de Marc-André Cyr hier, ce professeur de l'UQAM qui essaie d'enrôler des étudiants dans sa gang d'extrémistes, de dire, nous avons raison et nous pourrions, et si c'était à refaire, on recommencerait, c'est à la limite... Oui. D'une sorte d'appel à la révolte concertée, mais ça passerait pas nécessairement le test, d'après ce que je vous dis. Ce matin, je le sais pas. Écoutez, mais chose que moi, quand j'ai entendu ça, là, il fallait que je me dise, bon, je vais écouter ça, je vais écouter qu'est-ce que c'est Marc-André Cyr dit, puis je vais voir si ça suscite en moi une réaction juridique. Y a-tu quelque chose là? Parce que, vous savez, à tous les jours, moi, j'ai à traiter des dossiers où des personnes sont accusées de menace de mort, de harcèlement. Tu sais, quelqu'un qui dit, par exemple, supposons que vous mesurez 5 pieds, vous êtes à la porte d'un bar, puis vous dites au portier qui mesure 6 pieds et 4, je vais t'accrocher, mon sacrifice. Ouais. Ben, c'est impossible. Donc, je fais juste dire une connerie. Je pourrais pas l'accrocher, je suis plus petit que lui. Physiquement, c'est pratiquement impossible. Ben, le procureur de la Couronne n'accusera pas l'individu de menace de mort, parce qu'il a juste dit des paroles en l'air. Des paroles un peu tout à fait. Mais j'ai de la misère avec ça, sérieusement. Ça veut dire qu'une femme qui fait une menace à son mari qui est plus grand et plus gros, ça marche pas. Ah, faire attention. C'est sûr que ce que je vous dis là, c'est je vous rapporte une décision de la Cour d'appel de 2001-2002, je pense. Okay. C'était une cause en anglais. L'anglophone avait dit « I will fix you up, my buddy ». Ça voulait dire « Je vais t'accrocher, mon sacrifice ». Mais tu sais, c'était dans un contexte où est-ce qu'il voulait l'accrocher après le mur. Donc, l'intention n'avait pas été clairement démontrée. Oui, violence conjugale, faire attention, par exemple. Ouais, parce que quand on tient des propos comme ça, ça peut être du harcèlement, de l'intimidation, etc. Mais pour en revenir à Cyr, moi, je vais l'écouter et réécouter une couple de fois. Ça n'a pas de mot à dire, bon sang. Mais je vous dis qu'en tant qu'avocat, moi, je soumettrais le tout peut-être à un procureur de la Couronne. Juste pour voir s'il n'y a pas moyen d'y fermer la boîte. Ou encore, dire à l'Université du Québec à Montréal, servez-lui une mise en demeure pour qu'il ferme sa boîte, parce que ce qu'il fait là, il encourage, il y a le prolongement de Gabriel Nadeau-Dubois, je vois loin en disant ça, là. Mais il y a le prolongement des propos de Gabriel Nadeau-Dubois pour une prochaine contestation dans la rue, suite à quoi une injonction pourrait être prononcée. Fait que lui, on va avoir un deuxième Gabriel Nadeau-Dubois qui s'appelle Marc-André Cyr, qui va aller devant la télé ou qui va aller à la radio puis qui va dire, ah non, l'autorité, il n'y a rien là, on défonce ça. Aller dans la rue, la justice, les lois, ça n'a pas d'allure, ça c'est le gouvernement qui vient là. Ça n'a pas de bon sens. Mais, Monsieur Garneau, M. Garneau, je veux juste, est-ce qu'on peut réentendre ce que Gabriel Nadeau-Dubois avait dit sur les ondes d'RDI pour faire la comparaison entre ce que GND a déclaré pour lequel il y a eu un verdict de culpabilité qu'on va appeler, mettons, potentiellement temporaire parce qu'il y a un appel là-dessus, là, et ce que Marc-André Cyr a fait. D'abord, Gabriel Nadeau-Dubois à RDI pendant le conflit étudiant. Ces tentatives-là de forcer les retours en classe, ça ne fonctionne jamais parce que les étudiants et les étudiantes qui sont en grève depuis 13 semaines sont solidaires les uns les autres, respectent, de manière générale, là, respectent la volonté démocratique qui s'est exprimée à travers le vote de grève. Et je crois qu'il est tout à fait légitime pour les étudiants et les étudiantes de prendre les moyens pour faire respecter le choix démocratique qui a été fait d'aller en grève. C'est tout à fait regrettable qu'il y ait vraiment une minorité d'étudiants et d'étudiantes qui utilisent les tribunaux pour contourner la décision collective qui a été prise. Donc nous, on trouve ça tout à fait légitime là, que les gens prennent les moyens nécessaires pour faire respecter le vote de grève. Et si ça prend des lignes de piquetage, on croit que c'est un moyen tout à fait légitime de le faire. Alors légitime, c'est légitime de faire ceci, c'est légitime de contrer la loi, c'est légitime de pas écouter les décisions du tribunal, c'est légitime même de les combattre, c'est légitime même, donc, et Cyr me dit hier, j'ai pas encore l'extrait devant moi, là, mais Cyr me dit hier, ben c'est légitime de lancer des balles de golf et des balles de billard, c'est légitime de casser des vitrines, c'est légitime de lacérer la peau des chevaux, c'est légitime de tirer, tu sais, etc. C'est légitime au nom d'une certaine cause. C'est la même chose. Ben, finalement, je cherchais hier une définition à ce que voulait dire Marc-André Cyr par légitime violence. Moi, à mon avis, j'avais jamais entendu deux mots collés aussi bêtement ensemble de ma vie. Mais là, je pense qu'en réécoutant les propos de Nadeau-Dubois, je me rends compte que ça, c'est la définition de la légitime violence qu'entend soumettre ou proposer Marc-André Cyr. Alors, bien entendu, il faut se souvenir, par contre, que Dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, ces propos-là avaient été émis pendant que des injonctions avaient été émises par des tribunaux judiciaires au Québec. OK, le contexte peut faire en sorte qu'il peut y avoir une cause ou pas aussi? Ben, c'est-à-dire que le contexte est différent. Là, présentement, au moment où on se parle, il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas d'autorité de justice, il n'y a pas de débat judiciaire. Là. Non, il n'y a pas d'injonction, Maître Garneau, mais il y a une interdiction de casser du policier, par exemple. Ça, c'est permanent certain. Dans la loi. J'ai pas le droit de casser une vitrine au nom de ma cause. Non. J'ai pas besoin d'une injonction pour ça. Voilà, à ce moment-là, ça c'est. Là, on peut passer par toute une gamme d'infractions peut-être possibles, analysables. Là, vous avez les complots pour commettre un délit criminel. Vous avez un complot, par contre, il faut être deux personnes. Ouais, il y a là tout seul, vraiment, dans ça. Si il est tout seul, il pourra pas comploter longtemps. Mais je veux dire, il y a quand même des menaces d'intimidation ou encore des menaces de. Ça peut être même jusqu'à la rigueur, jusqu'à un certain point du harcèlement, sauf qu'il faut avoir des victimes, il faut avoir des personnes qui se plaignent. Ouais. Alors, il faut qu'ils visent. Dans les propos semblables, là, il est vraiment talentueux, là. Il contourne un petit peu tout le temps, il frise. Il est au bord, vous l'avez dit tantôt, là, M. Gilbert, dans le sens qu'il est toujours à la limite, là, du power trip, là. Fait qu'il vise, tu sais, il a pas nommé la Sûreté du Québec. Il a pas nommé un ministère en particulier. Il a pas visé personne en particulier, effectivement. Non, il fait penser à un gars, là, qui a une arme à feu dans les mains. Il tire dans toutes les directions. Il fait plusieurs victimes, OK, malheureusement, au passage de son geste tout à fait brutal. Puis là, on va le déclarer non responsable pour troubles mentaux. J'ai une dernière question pour vous, Maître Garneau. Est-ce qu'il y a une différence entre Marc-André Cyr qui prononce une conférence et qui fait comme ça dans le hall de l'UQAM et Marc-André Cyr qui prononce les mêmes propos sur les ondes d'une radio avec des ondes publiques et Marc-André Cyr qui prononcerait éventuellement un discours à l'extérieur dans un parc public en haranguant une foule de ses théories? Est-ce que ça peut faire une différence dans l'intention? Ça peut faire une différence dans l'intention. Je dirais que dans un parc public, on en voit tous les jours, ça. Dans n'importe quelle grande ville, on en voit des gens qui ont des problèmes de santé mentale, par exemple, puis on les entend dire n'importe quoi. Mais c'est pas son cas à lui. Je suis allé à Washington récemment, puis j'ai entendu toutes sortes de choses par quelqu'un qui était monté sur une tribune face à la Maison-Blanche. Mais non, c'est peut-être pas son cas à lui, là. On peut pas le traiter de personne atteinte de troubles mentaux. C'est juste quelqu'un qui a un esprit de sédition, par exemple, ça c'est très clair. Mais non, il n'y a pas de différence. Ben, il n'y a pas de différence. Écoutez, je serais porté à dire que sur les ondes d'une radio, là, on pourra commencer à parler de propagande. Là. Ça, ouais. C'est un peu plus le véhicule utilisé est pas mal plus direct. C'est la réponse qui me faisait peur. Ouais. Vous êtes en train de me dire que j'y ai laissé dire n'importe quoi, mais d'un autre côté, non, c'est pas de votre faute. Ben, ouais. Je suis le dernier filtre. C'est... Non, vous n'êtes pas un complice, absolument pas un complice. Non, monsieur. Non, absolument pas. Mais par contre, et protégé par l'institution qui est l'UQAM, vous trouvez pas ça un peu bizarre? Ça qui... Ah non, ça moi j'en reviens pas. Là. Moi je suis convaincu que ça va faire des petits, cette discussion-là qu'on a, que vous avez eu hier et que vous avez ce matin. Je suis convaincu que je pense que ça faudrait aller passer le micro sous le nez des dirigeants et des directeurs de l'UQAM pour savoir qu'on a essayé. On a essayé. On n'a pas eu de retour d'appel. Je me mets à leur place, là. Ils vont s'asseoir en conférence, puis ils vont en jaser, puis ils vont réécouter la bande. Là. Nous, on en parle de façon instantanée, puis de façon spontanée pour créer un petit peu le débat, là. Mais ces gens-là, écoutez, ils ont des postes importants. Fait qu'avant de dire n'importe quoi, ils vont réfléchir. Sans vous dire que j'ai dit n'importe quoi, on a juste réfléchi un petit peu à voix haute. Merci, Maître Garneau. Merci. Toujours un plaisir. Merci. Bye-bye. Yvon Garneau est avocat et coroner. C'est un avocat. Donc, il représentait au début Jean-François Maurras. Compte tenu de son emploi du temps fort chargé, c'est Maxime Roy, maintenant, qui représente Jean-François Maurras. Et on voulait savoir, justement, où était la limite. Il y a quand même quelque chose de très étonnant, là. T'sais, tout de suite, Maître Garneau, en écoutant les propos, en entendant les propos tenus sur nos ondes hier par Marc-André Cyr, puis là, c'est juste des propos à des questions que je lui posais. Moi, j'aurais aimé ça l'avoir, le verbatim de la conférence au complet. Il doit avoir des perles là-dedans, José. Ça doit être absolument fantastique. Et combien de personnes y assistaient et tout. C'est ça, faudrait faire le suivi. Mais ça, avec l'UQAM, c'est bien compliqué parce que d'abord, je pense qu'ils ont honte, donc ils savent pas quoi répondre. Tout ce qu'on a su, c'est qu'il allait assister à la conférence pour vérifier des affaires et à l'association étudiante responsable de la série de conférences qui était donnée là, dans le cadre de ça, là, ben on n'a pas eu de retour d'appel. Alors, c'est du monde qui se cache. Ils veulent pas nous parler, c'est pas compliqué. Mais quand Maître Garneau nous dit, écoutez, d'emblée, là, d'instinct, mon instinct de juriste me dit sédition, révolte concertée, code criminel. En partant, lui, là, c'est les trois petites cases, là. Amenez ça à un procureur, il l'a dit clairement. On verra ce qu'ils vont décider, mais ça me tente. J'ai juste pas les moyens. j'ai pas de maudite scène, je vous le dis, j'ai pas de garde fauché, tu sais, c'est pas compliqué là, mais le test serait intéressant. Il y a des différences par contre avec Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a fait, c'est pour ça que j'ai posé la question. Nadeau-Dubois l'a fait sur les ondes publiques d'une radio, d'une télé publique avec, tu sais, des ondes qui appartiennent à tout le monde. Cyr a fait la même chose ici avec nos ondes au FM 93. C'est des ondes publiques, pis on est responsable de ce qu'on laisse dire en ondes, de ce qu'on dit d'abord nous-mêmes et de ce qu'on laisse dire en ondes. On est le dernier filtre. Puis je craignais un peu. Puis M. Garneau m'a à moitié rassuré en disant « Ouais, ben c'est sûr qu'on peut pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi. » Mais d'un autre côté, vous êtes là pour un médium d'opinion. Vous laissez les gens exprimer leur opinion. Mais cette opinion-là, dite devant une foule protégée par la direction de l'UQAM, ben c'est assez limite. C'est assez limite.